بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دونك فوالا أنصاب بإذن الله عز وجل تفسير سورة القدر. يقول تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دونك سورة القدر والله دي سيرت nous l'avons descendu la nuit du destin. Il y a de la place ici, rapprochez. Laissez les frères s'asseoir. Donc, inna anzalnahu. Donc, Allah Azza wa Jal dit bien, certes, nous l'avons descendu. Wada dalilun wadihun ala anna Allah Azza wa Jal fi sama. Donc, c'est une preuve claire et évidente pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Car elle a dit, certes, nous l'avons descendu. Donc la descente, c'est clair que c'est du haut vers le bas. أنزلناه في ليلة القدر. Certes, nous l'avons descendu la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il mentionne نحن ou bien إنا dans le sens où أنزلناه, on comprend que nous l'avons descendu. Et ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal, donc il n'est pas seul. Lorsqu'il dit nous l'avons descendu, c'est les tashrif. C'est en vérité pour honorer la personne. Et les rois eux-mêmes le font. Nous, donc roi, hein, nous président ou quoi, nous roi de tel pays, disons que ça vient à la personne par honneur, par respect, donc elle utilise le pluriel. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ça, c'est pas une erreur. Ça a toujours existé et ça se fait. Donc Anzalnahu, comme j'ai dit auparavant, donc c'est bien le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala donc est au-dessus du septième ciel et donc sur son trône. Il est établi sur son trône subhanahu wa ta'ala et il est bien donc fils de sa main comme on dit. Donc anzalnahu fi laylat al-qadr. Wa hadi layla fi ramadan. Wa qad yani dhakarna hadithan أن كانت يعني في 24 من رمضان. pour la descente du Coran cette année-là. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a descendu donc le Coran donc à la mawaqi' an-nujum, à l'emplacement des étoiles, on a vu le hadith qui est authentique et qui était descendu le 24 du Ramadan. Alors on sait que la nuit du destin ça peut changer, mais lorsqu'il était descendu sur le Coran c'était le 24 du Ramadan. On a parlé donc de la Torah, de l'Évangile, et je ne sais plus si c'était Souhaf Daoud, Ibrahim, donc on avait parlé de Souhaf Ibrahim. Qui se souvient? Donc le premier Ramadan c'était la Torah. L'Évangile c'était le 6. Le 13 c'était Souhaf Ibrahim. Et le 24 c'était, par rapport au Hadith, et le 24 c'était le Coran. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? C'est sur Ibrahim le premier, d'accord. Et après, donc la Torah le 6, et le 13 c'est l'Évangile, d'accord. Donc voilà, donc la Torah, on avait parlé d'abord de sur Ibrahim en premier, première chose. Le premier du Ramadan, la Torah, l'Évangile donc le 6, la Torah le 13 et le Coran le 24. C'est un hadith authentique. ici donc la nuit du destin. Car cette nuit-là, c'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala la destinée de chacun d'entre nous pour l'année. C'est pour ça qu'on appelle la nuit du destin. Donc, maqadir al-umur fi hadhihi as-sana et tunazzani fi hadhihi al-layla al-mubaraka. Donc cette nuit-là, la nuit du destin descend en réalité donc la destinée de chaque personne pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Donc on voit bien que Laylatul Qadr, c'est pendant le mois du Ramadan. Et si des gens pensent qu'il faut jeûner donc le 15 de Sha'ban, parce que les gens en vérité pensent qu'il faut jeûner pendant le mois de Sha'ban, c'est-à-dire où ils font par exemple le mois de Rajab ou quoi que ce soit, des fois ils font certaines choses, ils pensent que c'est un jour obligatoire à jeûner, parce qu'ils s'imaginent que c'est ce jour-là où est venue donc la nuit du destin. Ils pensent que c'est le jour de la nuit du destin. Mais bien sûr, c'est une erreur. C'est en réalité, il n'y a pas de... Les hadiths là par rapport à cela sont faibles. Les preuves qui montrent en réalité cela sont faibles. Donc, fi laylatil qadr. Et certains ulama, ils ont appelé donc le qadr, ils ont appelé yani al-sharaf. Yani, donc ils ont dit, c'est-à-dire comme quoi que c'est une nuit en réalité qui est quoi? Donc bénie ou plutôt honorée. Une nuit qui est noble. Donc ذو قدر كبير. Donc une nuit qui est très importante. C'est pour ça qu'ils disent que ça veut dire la lettre al-Qadr. Et d'autres donc disent donc, c'est en vérité donc où il y a justement, donc où Allah Azzajal donc décide de ce qui se passe pendant toute l'année. Et Allah dit, Inna anzalnahu fi laylat al-mubaraka. Inna kunna munzirin fiha yafruku kull amrin hakim. Et là on voit ici donc où le verset dit, certes nous l'avons descendu dans une nuit bénie, certes nous étions donc avertisseurs, et en cette nuit donc sera montré chaque chose donc juste, chaque chose juste. Donc en vérité donc tout ce que Allah aura décidé, ça sera montré cette nuit là donc c'est une nuit de destin. Et en vrai, donc, les deux après sont bons. C'est pas parce que cette nuit-là, Allah descend dans les choses, que ça veut dire que c'est pas aussi donc une nuit, bien sûr, noble. Non seulement elle est noble, mais en plus, elle est quoi? C'est aussi où Allah, c'est là où Allah descend, donc, où il décide, où il descend, justement, donc son décret, la destinée. Et donc, comme on l'a dit auparavant, s'il y a deux tefsirs, dont l'un n'est pas contre l'autre, hein, deux tefsirs qui ne sont pas donc, en contradiction, les deux sont acceptables. Si le ulama a expliqué deux choses, on prend les deux. S'il a deux sens, on prend les deux sens. On les accepte. Puis Allah dit, wa ma adraka ma laylatul qadr. Donc, qui te dit ce que veut dire en vérité cette nuit? Ce que veut dire donc en vérité cette nuit? Et aussi, donc souvent Allah dit aussi, donc, Wama Adaraka. Il l'a utilisé dans plusieurs versets. Wama Adaraka ma yomuddin. Summa ma Adaraka ma yomuddin. El haqqa ma el haqqa. Wama am Adaraka ma el haqqa. El qari'a ma el qari'a. Wama Adaraka ma el qari'a. Et ici, on fait la différence entre lorsqu'Allah dit Wama Adaraka et Wama Yudriki. Wama Adaraka, Allah il parle du passé. Et si tu vois Wama Adaraka, sache qu'Allah a donné le tefsir juste après. Il a donné l'explication. Tandis que lorsqu'Allah dit Wama Yudrik, et il parle justement par rapport à l'heure, Wama Yudrik, espérant que l'heure se rapproche, hein, donc espérant que l'heure en vérité se rapproche, un Nabi sallallahu alayhi, il ne connaît pas l'heure de, c'est-à-dire quand est-ce que viendra le jour dernier. Il ne connaît pas donc exactement ce jour-là. Alors si on voit Wama Adraka, le tefsir, l'explication elle vient juste après. Comme ici, Wama Adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min al-fishar. Donc on a son tefsir, on a son explication. Mais Wama Yudrika, il n'y a pas d'explication après. C'est ça la différence entre les deux. La différence entre les deux, donc là on a le passé, Wama Adraka, et là Wama Yudrika, qui te dira? Donc on voit déjà Wama Yudrika, hein, donc on est dans le Mudara, on est dans le présent, et en plus, qui te dira? On parle aussi donc comment? Donc c'est au subjonctif, on va dire, en vérité, c'est Mabni les Majhoul. Hein, donc il sera Mabni les Majhoul, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de qui on parle. Qui te dira? Donc, parce que personne ne peut te dire en vérité quand est-ce que viendra ce jour. Il y a une différence entre ça et ça, entre les deux. C'est qu'on a Adaraka, on retrouve directement le tefsir. L'explication de ça. Donc, tellement justement c'est important. C'est pour ça qu'Allah dit Muhammad Adaraka, qui te dit, tellement en vérité, la chose, elle est importante. Et comment aussi on voit? Regardez, la nuit du destin, le jour dernier, la vérité, donc encore une fois par rapport au jour dernier, elle Kariha. Encore la même chose. C'est un synonyme parmi les synonymes du jour dernier. Un jour très important. Donc Allah mentionne plusieurs fois Muhammad Adaraka par rapport au jour dernier. Un jour qui comprend 80 noms différents. Qui comprend 80 noms différents, tellement il est important, c'est-à-dire Yom Al-Qiyama. Il a donc plusieurs noms. Et cette nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Ici, il y a la réponse à la question. Allah subhanahu wa ta'ala donc, donne la réponse directement à la question. La réponse est donc Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Mieux que 1000 mois d'adoration. Mieux que 1000 mois d'adoration en une seule nuit. Donc 1000 mois, ça ferait combien? 30 000 jours à peu près, on va dire. Ça, près de 30 000 jours. Donc en une nuit, tu as l'adoration de 30 000 nuits. C'est énorme. Donc 30 000 nuits, on sait que 1000 mois, ça fait plus de 80 années, hein, 80 années d'adoration. En une seule nuit. Si Allah Azzajal te permet de réussir à avoir cette nuit-là, tu auras donc en vérité en gain, comme si tu avais prié, comme si tu avais adoré Allah subhanahu wa ta'ala, donc toute ta vie. Et donc c'est pour celui qui viendrait à vivre autant de temps. Donc ça c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il voit qu'il y a énormément de baraka dans cette nuit. Il y a énormément de bénédictions dans cette nuit. Et celui en plus qui va, bien sûr, donc non seulement être éveillé cette nuit-là et adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et conviction, lui sera passé, donc lui sera effacé les péchés passés. Lui sera effacé, donc Rufarahu, Matakandama, Matakandama min Zambihi. Donc voici comment, en vérité ici, donc ce jour. Tanazzalul Malaikatu, hein, Yani Warafiaha, Yani Rafasi. Donc Tanazzalul Malaikatu Warafiaha. Donc cette nuit-là, il descendra les anges, ainsi que Jibril, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, donc il a... Parce que les anges, à l'origine, ils vivent où? Ils vivent dans les cieux. Soukana sama, tanazzalul malaika. Encore une fois, donc les anges aussi, ils vivent au ciel. Et Allah vit au-dessus de tout le monde, au-dessus des anges. Ils vivent. Donc ils vivent dans tous les cieux. Ils vivent en vérité donc dans tous les cieux. Alors, ils descendent. Donc si les anges descendent, c'est une preuve de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce jour-là, cette nuit-là, il y aura un bien. Il y aura un bien, il y aura une bénédiction pour les croyants. Donc, le fait qu'ils descendent. Ils y descendront. Car, bien sûr, on voit donc comment les anges après descendent. Et aussi les anges, on sait que les anges, des fois, lorsqu'ils descendent, c'est qu'il y a une baraka. Lorsqu'ils ne descendent pas, c'est qu'il n'y a pas de baraka dans cet endroit-là. Et parmi les endroits, donc les endroits où il y a en réalité des photos. Ceux qui collent les photos, ou qui ont des statues, hein, des petites statues, toutes ces choses-là qui sont à la maison. Hein, en vérité, donc ils ont mis les photos du grand-père, les photos de la telle ou d'un tel, les enfants à l'école. Ils les collent au mur. Les anges n'y entrent pas. Donc si les anges n'y entrent pas, comment tu veux en vérité avoir la bénédiction dans ta maison? Et si tu as délaissé, si tu as laissé la place... Si tu as laissé l'endroit vide des anges, donc tu as bâti, tu la laisses pleine pour les chiantines. Les chiantines y entrent. Donc après, ne sois pas étonné que des fois, des gens de la famille soient touchés par un djinn. Ne sois pas étonné lorsqu'on voit que le djinn y entre, il sort comme il veut. Parce que justement, l'endroit, il est vide. Il est dénué de baraka. Donc d'où, en vérité, la personne doit éviter. Si Jibril, alayhi salam, n'est pas rentré chez le prophète, sans par rapport à une photo, hein, par rapport justement à un dessin, une figurine, alors imaginez-vous chez nous. C'est dans la maison du prophète qu'il n'est pas rentré le Jibril, alayhi salam. Alors imaginez-vous dans la maison du prophète. Et la même chose pour celui qui a un chien, sans raison. Le chien il rentre dans la maison, il est dans la maison comme si c'était un enfant, comme si c'était le troisième ou le quatrième enfant. Là, l'enfant, le chien, si maintenant il est là pour surveiller, ou il est là en vérité parce que c'est un berger, ou pour la chasse, pour ces trois raisons-là, à ce moment-là tu peux. Mais si c'est pour faire beau, on n'en a pas besoin. Occupe-toi plutôt de ta famille. Tu as déjà suffisamment à faire avec en vérité les enfants et les frères et sœurs plutôt qu'aller de t'occuper des chiens et d'être bon envers lui. Et tu vas peut-être même être mauvais avec tes frères et sœurs et bon avec ton chien quoi qu'il en soit. C'est ce qui se passe généralement. Et ça, ça a évité. Parce que la même chose, les anges ne vont pas rentrer. Les anges ne vont pas rentrer. Où était le chien à l'époque des gens dans la caverne? Le chien, avec les gens de la caserne, il n'était pas dans la caserne, il était en dehors, il était à l'entrée de la caserne. Comme ça, les anges, ils peuvent y entrer. Ce sont des personnes pieuses. Et le chien n'est même pas rentré dans la caserne, il est resté en dehors. Il était comme ça à l'entrée. Vous voyez, il était en train de garder. Il était à l'entrée. Donc, Warouh, qui est donc Jibril, alayhi salatu wassalam. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionné spécifiquement et particulièrement Jibril, afin de montrer son importance. Alors il dit, les anges sont descendus. Ça suffit pour Allah de dire que les anges sont descendus pour que nous on s'imagine qu'il y a, si les anges descendent, on peut s'imaginer qu'il y a Jibril, Mikaël, Israfil. Mais là il a mentionné et Jibril afin de montrer l'importance. On appelle ça Zikr al-Khas Ba'd al-Am. Donc le mentionner le spécifique, après donc le général. C'est-à-dire là c'est particulier. Afin de montrer son importance. Ali Bayan Ahammiyati. Afin de montrer en vérité l'importance du Khas. Et on retrouve des fois aussi d'autres versets par rapport à ça. Ou des fois on voit quelque chose de khas spécifique par rapport à l'âme. Mais ils ne rabbihim. Ils ne descendent pas d'eux-mêmes. Ils descendent bien sûr parce que c'est Allah qui leur a ordonné. Bimana bi amri rabbihim. Par l'ordre de leur Seigneur. Par ordre de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, donc azna lahum. Il leur a non seulement ordonné, sharan, et aussi kaunan. Donc un kaunian, dans le sens où Allah leur a ordonné. Donc c'est légiféré, c'est un ordre d'Allah, mais c'est aussi une permission de faire. C'est-à-dire par rapport à le kaun, par rapport à le fait de faire, par rapport au décret. Par rapport au décret. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, donc il les a laissés. Donc ici par rapport à le kaun, bi'adil ayat, bi'idni rabbihim. Par la permission de leur Seigneur. Donc ça c'est Amrihi al-Qadari. Min kulli amr. Hein? Donc après c'est bi'idni rabbihim. Donc c'est-à-dire yani min bima'na bi. Yani bi kulli amr ma ya'muruhum Allah azza wa jalla bi. Wa huwa mubham. La na'lamu ma huwa. Lakinna naqul inna تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. Donc les anges ont été descendus pour tout ce qu'il y a cette nuit-là. Et bien sûr, on ne sait pas ce qu'il sait exactement. Mais simplement ce qu'on sait, c'est qu'il y a ici donc, le bien, il y a la miséricorde et il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Donc paix pour elle, paix sur elle, jusque donc, la tombée du jour. Jusqu'à ce que le fajr vienne. Paix sur elle. Donc salam. Et salam, on sait que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc salam, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, donc l'appeler salam, afin de savoir que les gens, en vérité, donc beaucoup de gens, justement, sont exempts des péchés cette nuit-là. Beaucoup de gens vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont délaisser les péchés, ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont être loin de quoi, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit bien par rapport à cette nuit. Al-Nabi s'en plutôt dit bien. Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufra lahu man takadzama min dhanbihi. Donc celui qui yaqoum yani laylat al-qadr imanan, donc avec foi, wa ihtisaban, avec conviction, il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il espère recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufra lahu, lui sera pardonné, man takadzama min dhanbihi. Donc tous ces péchés passés. Donc c'est ça, salam. Salam, ce qui veut dire en vérité, tu seras donc exempt de péché. Ou tes péchés, en vérité, ils vont être nettoyés. Tes péchés, ils vont être nettoyés. Et on voit que les gens, hatta mata el fajr, les gens, ils restent. Donc il y aura cette paix, il y aura cette miséricorde, il y aura cette sérénité, il y aura cette baraka. Et les anges vont rester jusqu'à mata el fajr. Ils vont rester jusqu'à ce moment-là. Ils donc, vont rester donc jusqu'à ce moment-là. Donc on sait qu'en plus, donc, la nuit du destin, elle est dans les 10 derniers jours. Elle est dans les 10 derniers jours. Et un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, donc, monsieur, il a dit donc, de la rechercher. Hein? Recherchez-la dans les 10 dernières nuits. Et dans une autre version, il dit, dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Et aussi, donc, là, il y a un cas, il y a dans une autre aussi version, il dit que c'est dans les 7 derniers jours. Ceux qui veuillent la rechercher, c'est du dessin qu'il la recherche dans les 10 dernières nuits. Donc il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes par rapport à cela. Et bien sûr, donc on va en vérité rechercher dans les 10 dernières nuits. Exprès justement, parce qu'Allah, afin que de nous habituer à l'adorer ce printemps là. Parce qu'il n'y aurait plus de mérite si on la connaissait. Si tout le monde savait que la nuit du destin c'est tel jour, il n'y a plus de mérite. Alors on va rien faire toute l'année, on va faire que cela, et puis voilà, par exemple. Donc Allah veut de nous que l'on l'adore. C'est pour ça qu'il nous a créés. Donc il veut de nous que l'on l'adore, il nous a créés. Et à ce moment-là, donc il y a le fait de convertir, de faire les efforts pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui faisait les atikaf. Donc il restait dans la mosquée. Il restait dans la mosquée, donc ce qu'on appelle la retraite spirituelle, c'est les 10 derniers jours. Et réellement, celui qui va faire les atikaf, il a beaucoup plus de chance, lui, le fait qu'il soit à la mosquée adoré à l'Azazel, de tomber sur cette nuit-là, de pouvoir adorer à l'Azazel comme il le faut sur cette nuit-là. Donc c'est le fait de rester. Les atikaf, ça peut très bien durer une nuit. Donc ça veut dire du matin, donc ça serait par exemple, imaginez-vous, donc du matin au soir, par exemple. Ça serait donc du matin au soir, au contraire. Donc à ce moment-là, il faut rester, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallam, donc on voit bien qu'il a déjà pris les lui, déjà donc, le 21, il avait fait un rêve le 21. Et donc justement, donc il avait fait un rêve, après il est parti donc à la mosquée, il avait rêvé qu'en vérité qu'il faisait soujoud donc sur de l'eau et de la terre. Donc c'était donc la boue qui était, donc l'argile qui était mélangée avec de l'eau. Et il n'y a réellement plus cette nuit-là. Donc le Nabi Sallam il a pris dans la mosquée. Hein, donc bien sûr, réellement, donc à l'époque, les mosquées, elles étaient des fois le toit était couvert hein, de feuilles de palmier ou autre. Donc l'eau. Donc il n'y avait rien qui interdisait à l'eau en fait à rentrer dans la mosquée. Et il a réellement prié comme cela, alors qu'auparavant il avait rêvé cela. Donc ils ont vu à Kulhel cela. Ils pensent que cette nuit-là, à Kulhel, c'était donc parmi les nuits donc importantes. Ils pensent que c'était sûrement la nuit du destin. Cette nuit-là, parmi les nuits, à Kulhel, qu'ils étaient justement peut-être parmi celles-ci, les nuits importantes. Et on ne sait pas. Donc même si les gens ont plus remarqué que c'était la nuit du 27. Même si en réalité, ils ont plus remarqué que c'était la nuit du 27. Hein? Ainsi que, donc, il y a eu, donc, par exemple, Nabi Sallam qui a eu donc, la nuit du 27. La deuxième année, donc, il a eu la nuit du 21. Et après, donc, la nuit du 25. Et c'est comme ça. Donc, ça peut très bien changer. Donc, Allah Zalil, donc, le change, pas pour rien. Allah Zalil, justement, change ces jours-là, afin, justement, de l'adorer. C'est que ça va, justement, donc, rendre plus, en réalité, courageux, ou moins fainéant celui qui l'est à l'origine. Celui en vérité qui se délaisse, qui délaisse un peu facilement donc les adorations, en ce moment-là, il fera plus d'efforts. Il recherchera. Ou bien aussi, c'est la deuxième faïda, c'est que toutes les nuits que tu as adorées, même s'il n'y en a qu'une qui est la nuit du destin, les autres aussi, tu auras énormément de récompenses. Parce que tu auras non seulement la nuit complète parmi la prière, tu auras tes péchés passés, il a khéli. Donc tu auras beaucoup de choses. Donc en vérité, tu profites. Tu auras énormément de récompenses par rapport à cela. Il y a des gens qui actuellement ne recherchent que la nuit du 27, et on le voit bien, hein, donc les mosquées sont remplies cette nuit-là, alors que peut-être en vérité ils ont peut-être délaissé des choses. Et qu'est-ce qu'ils font eux, cette nuit-là, ils vont se dire, je vais faire le Omra cette nuit-là, ou bien je vais faire ceci cette nuit-là. Donc c'est pas ce qui a été donc demandé. Les gens peuvent s'imaginer que c'est que la Omra, ou c'est que ceci, ou c'est que cela. Alors en vérité, il faut prier et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en vérité cette nuit-là. Donc parmi les bienfaits de la nuit du destin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a descendu le Coran. Donc c'est une nuit où Allah Azzawajal, donc a descendu le Coran, où dans le Coran il y a quoi? Donc Hidayat al-Bashar. Wa sa'adatum fi dunya wal akhira. Et aussi leur bonheur, donc leur bonheur, leur réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc il y a déjà ça, la guider pour la personne. Donc la guider. Et la miséricorde pour les gens. Aussi parmi les bénéfices, c'est que cette nuit vaut donc mieux que et meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Elle n'a pas dit elle équivaut 1000 mois. Elle est encore meilleure. Donc 1000 et encore. C'est pas juste 1000 en vérité. Quand on dit c'est comme si, quand on dit 1000, c'est comme s'il a duré 1000 mois. En vérité, on peut même rajouter parce qu'il dit meilleur que 1000 mois. Donc on comprend que ça dépasse encore. Parce que c'est meilleur. C'était équivalent, on dit équivaut. Là, c'est créé meilleur que 1000 mois. Et la troisième, donc le Faïda, bien sûr, c'est que ici, donc par rapport à ce que dans cette sourate, hein, donc c'est qu'aussi, donc. C'est que Allah donc, a dit donc, juste avant ça, donc, Wama adraka ma laylatul qadr. Allah justement, il nous pose la question. Et lorsque tu as la question, elle est là, tu as envie de connaître la réponse. Donc en vérité, tu fais attention. Il a justement posé la question pour donner la réponse, afin d'honorer ce jour-là, afin que ce jour en vérité soit respecté et honoré. Et quatrièmement, donc les anges descendent. Ils descendent donc ici avec le bienfait, avec le bien, avec la bénédiction et avec la miséricorde. Et aussi, donc, parmi les bénéfices, c'est que, bien sûr, donc, c'est une paix. C'est paix. Comme quoi, que beaucoup de gens vont être éloignés du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par leur adoration. Et aussi, c'est que, parmi les bénéfices, c'est que c'est un verset, donc, qui sera récité tout le temps. Allah Azzajal a décidé que ça sera une sourate. Allah Azzajal a décidé que ça sera, donc, quelque chose qui va être récité tout le temps jusqu'au jour dernier. Donc Allah Azzajal a décidé que ce sont les paroles qui vont rester. Hein, des paroles qui seront là, qui seront écrites et restées. Donc c'est parmi aussi, bien sûr, parmi les bénéfices, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui jeûne, hein, man qama laylat al-qadri iman al-wahtisaba, ghufila lahu, man taqaddama min dhanbihi. Donc celui en réalité qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, lui sera pardonné ses péchés passés. Ses péchés donc passés. Donc ça c'est de façon générale pour Surat al-Qadr. Et là donc on va parler sur Surat al-Bayyina. Surat, donc Surat al-Bayyina. Allah dit لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَتْيَهُمُ الْبَيِّنَ. Donc bien sûr, donc les mécréants, donc parmi les gens du livre, hein, donc les mécréants parmi les gens du livre, donc ainsi que donc c'est l'Yahoud ou Nasara, hein, donc ici on voit bien que les gens du livre sont les juifs et les chrétiens, car les juifs ont reçu la Torah et les chrétiens ont reçu l'évangile. Et les mouchrikin, donc les associateurs, ce sont en vérité ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent donc ces pierres, ceux qui adorent ces arbres, ceux qui adorent donc ces choses-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'ils fassent partie des juifs, quand on dit mouchrik, qu'ils fassent partie en vérité des enfants d'Israël ou pas autres, ce sont tous. Donc mouchrikin, ça veut dire ici donc tarikin lamnahum alayhi min ash-shirk wal kufr munfakin anhu. Donc en vérité ils ont délaissé en vérité donc une fakka, ça veut dire le fait de retirer quelque chose, de en vérité de l'enlever quelque chose, de imaginez-vous un clou qui aurait été donc planté, si tu le retires, ils ont délaissé ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient auparavant comme le shirk, le kufr, ils ont délaissé ça. Hatta tatiyahum al-bayyin, al-bayyin donc c'est la clarté, donc le, c'est-à-dire la preuve claire, l'annonce claire. C'est ce qui sera montré, c'est ce qui va montrer clairement toute vérité. C'est ce qui va montrer donc clairement toute vérité. Donc la preuve, le Bayyina, c'est la preuve. Elle sera montrée donc en toute vérité. C'est pour ça qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à ça, le Bayyina tu ala muddai. Ça c'est au tribunal. Le Bayyina ala muddai. Pour celui qui accuse. Si tu accuses, tu dois montrer les preuves. Wal halaf ala man ankar. Et bien sûr, celui qui est accusé, il redit ça, il lui suffit de jurer. Parce que celui qui accuse, ça lui de montrer les preuves. Chaque personne est innocente jusqu'à ce qu'on ait les preuves qu'il ne soit pas innocente. Sinon, à l'origine, il est innocente. Il faut montrer les preuves que cette personne a vraiment été coupable. Donc ici, donc, la vérité, donc justement, c'est ça. Et c'est quel justement El Bayina? Quel est El Bayina? Quelle est en vérité ici, donc, El Bayina? Quelle preuve? De quelle preuve Allah subhanahu wa ta'ala parle? Rasoul min Allah. Un envoyé de la part d'Allah. Rasoul min Allah. Yatlu suhufan mutahhara. Il récite donc des feuillets qui sont purs. Donc c'est bien sûr Mohammed ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasoulu min Allah. Donc il est venu ici, donc un envoyé de la part d'Allah, afin de le respecter subhanahu wa ta'ala. Yani certes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Rasoulu min Allah. Donc un, yani udifat le risala ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en quoi qu'en vérité, ce message, en vérité, il est quoi? Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un envoyé de la part d'Allah. C'est Allah qui l'a envoyé. Donc ça, justement, il t'a fait tout tashrif. Il t'a fait tout tashrif. Il y a ici le fait, en vérité, de quoi? D'attribuer, justement, cette noblesse. C'est un envoyé de la part d'Allah. Donc c'est une noblesse pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, donc ça va l'honorer, le respecter, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah dit, « Wa arsalnaka linnasi rasoula. » Certes, nous t'avons envoyé pour les gens, donc en tant que messager. « Tabarak alladhi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira. » Gloire à celui, donc c'est glorifié lui-même, celui qui a descendu le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit avertisseur pour les mondes. Ça c'est le prophète Mohammed, qui est envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par bien sûr, de façon générale, par biwasati Jibril alayhi salam. Hein, donc le Jibril, c'est parce que donc c'est l'ange Gabriel qui est l'intermédiaire et Jibril alayhi salam, donc c'est celui qui a été envoyé donc pour descendre tous les livres aux envoyés. C'est lui qui est au moins el-muakkal bil-wahi. C'est lui qui s'occupe en vérité, donc qui est responsable des révélations. Yatlu suhufan mutahhara. Bimana, il lit pour lui-même et il lit pour les autres. Il récite des feuillets purs. Donc il récite en vérité le Coran. Il le récite pour lui-même la nuit lorsqu'il est chez lui. Et il le récite aussi lorsqu'il fait lui-même à la mosquée pour les gens. Donc c'est pour lui et c'est aussi pour les autres. Donc suhuf, hein, donc on voit que c'est el waraka. Suhuf, donc ce sont des feuillets. C'est-à-dire des feuilles. Ou bien el loh, ou bien le tableau. Ou bien ce qu'il y avait à l'époque. Là, on peut écrire. Et on sait bien qu'à l'époque du prophète, ça va savoir, on n'écrit pas avec des feuillets comme cela. Hein, pour rassembler le Coran, c'était. On retrouvait tout ça. On retrouvait énormément de choses parce que c'est écrit sur des os, par exemple. Hein, c'était écrit donc sur des pots. C'était écrit sur des pierres. C'était écrit sur beaucoup de choses. Et c'était pas sur les feuilles qu'on a maintenant. Donc ça, c'est aussi une preuve. Et c'est pas vrai que les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum, sont sortis et avaient comme ça, ils montraient le Coran hein, devant les koufars, ils disaient, regardez, ils brandissaient le Coran. Sur les gens qui veulent dire que les compagnons brandissaient le Coran, donc c'est on peut tout sortir le daï comme ça dans les rues, brandir le Coran. À l'époque, les compagnons, ils n'avaient pas le Coran dans les mains. Ils avaient justement, il n'y avait pas ces feuillets. Historiquement parlant, c'est déjà une preuve que ceux qui disent ça, ils se trompent. Ils n'avaient pas donc ces feuillets-là. Ils n'allaient pas sortir des pots et des ceci pour montrer comme ça. Ça, c'est pas vrai. Fiha kutub al-qayyima. Donc ici, bimana maktubat. Il y a donc ici donc des écrits très importants. Kutub bimana, c'est le pluriel de kitab. Et c'est en vérité bimana maktub, ce qu'il y a été écrit. Kutub. Ça ne veut pas dire qu'il y a des livres. Ça veut dire en vérité qu'il y a des écritures. Il y a ici des écritures très importantes. Hein? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit bien, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc, mentionne, chaque qu'il mentionne le fait qu'il descend le Coran, il se loue, hein, il se glorifie subhanahu wa ta'ala, il se purifie subhanahu wa ta'ala. Et qu'on voit dans ce Coran aussi Allah subhanahu wa ta'ala, que le fait qu'il parle de lui-même, il a parlé de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des compagnons du prophète de la meilleure façon. Il a vanté donc les envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé de Luqman, hein, le sage, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé des personnes pieuses, hein, la femme de Pharaon, hein, et autres, la mère de Issa. Et donc tout cela, tout c'est ça, justement des bonnes lectures. Donc c'est pour ça que ce Coran il est noble, car il mentionne justement donc ces bonnes choses. Donc il mentionne premièrement parce que c'est sa parole, mais en plus ce sont les bonnes choses qui sont mentionnées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné aussi donc bien sûr les règles religieuses, comme la prière, le jeûne et la khilé. Il parle justement des adorations, de ce que l'on fait, de ce qu'on fait. Après Allah dit donc par la suite, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Et c'est clair, donc une fois qu'ils ont reçu l'épreuve, clair, une fois qu'ils ont reçu l'épreuve, donc ils ont, bien sûr, en général, renié. Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie pas avant cela, qu'après avoir justement leur montré l'épreuve, Tant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu, il devait donc continuer à pratiquer le vrai dans la vraie Torah et dans le vrai évangile. Donc dans leur vrai en vérité, donc livre. Mais dès qu'il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, donc à ce moment-là, ce sont pas toujours ceux qui ont gardé donc les vrais livres, pas ceux qui ont déjà décidé que de dire que Issa c'était le troisième des trois, ou que Issa donc c'est le fils d'Allah, et qu'Allah c'est le troisième des trois, et qu'Allah est une amie et autres. Tout ce qu'ils ont dit. Donc dès que la vérité, dès que le corps est venu, donc tous ces livres sont abrogés. Tout en réalité, ces livres sont abrogés. Il y en a vu. Donc il y a des gens qui ont cru, alhamdulillah, donc comme Najashi, comme le Néjus, hein, Habasha, Malik al-Habasha. Et aussi donc parmi les juifs, Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, alors que lui, c'était parmi un érudit, parmi les érudits des gens, donc savant, fils de savant. Donc c'était le meilleur des juifs, parmi les meilleurs des juifs. Et il est devenu le pire des juifs, une fois que, c'est-à-dire pour les juifs, il est devenu le pire une fois qu'il est rentré dans l'islam. Une fois qu'il est entré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était savant, il savait très bien que le prophète donc, qui a été mentionné dans la Torah, donc c'était vraiment conforme à ce qu'il a vu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait les mêmes qualités physiques, morales, il a créé, physique et morale. Donc il a aussi parlé de ce qu'il a parlé. Donc, non seulement dans le physique, non seulement dans la morale, et aussi dans ce qu'il a aussi donc enseigné, ordonné, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces trois points-là, ils étaient en vérité conformes. Il pouvait en vérité, celui qui est doué d'intelligence, il ne pouvait que reconnaître. Et ça, bien sûr, c'est un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tout le monde qui peut, bien sûr. On reconnaît que si Allah nous a donné la permission de, en vérité, de pouvoir reconnaître. On peut très bien avoir les vérités devant nous, comme les juifs l'avaient. Ils savent que c'est le prophète, comme s'ils connaissent, comme s'ils connaissaient leur enfant. Hein, le fait que celui qui a un enfant le connaît très bien. Donc il connaît comme s'il les connaissait, comme s'il connaissait en vérité leurs enfants. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a pas en vérité augmenté leur foi. Après Allah dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي النَّارِ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Donc ce sont bien sûr, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc certes ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et parmi les polythéistes, donc seront en enfer et ils demeureront donc éternellement. Et ce sont les pires des créatures. Des créatures, car ils ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mécru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas cru. Ils ne veulent pas croire. Ce sont donc les pires des personnes. Et Allah le dit bien, donc il dit Inna sharra dawabi indallah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Les pires des bêtes, c'est-à-dire les pires des personnes en vérité, auprès d'Allah, ce sont ceux qui ont mécru. Et ils ne croient pas. Ils ont renié et ils n'ont pas donc cru. Ce sont donc réellement en vérité eux. Donc ce sont les mouchriquins et les kuffar. Et à la suite dit Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairun barriya. Donc ici, le contraire. Donc il montre ici, souvent on voit que le Coran al-Karim, c'est quoi? Masani. Donc souvent il montre l'exemple et il montre son contraire. On voit souvent ça. L'exemple et son contraire. Donc ici, Allah a parlé, auparavant il a parlé des mouchriquins et là il parle de ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru et ont bien sûr œuvré de la meilleure façon. Ils ont quoi en vérité œuvré de la meilleure façon? Ce sont les meilleurs des hommes. Et bien sûr ils ont des tabakats. Ils sont en nombre de quatre. Il y a quatre catégories de personnes. Donc c'est وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ce sont eux les quatre catégories des meilleures personnes. Donc les envoyés d'abord, les véridiques, les martyrs et les personnes pieuses. Donc comme on voit, donc le plus haut degré c'est bien donc le prophète. Après, c'est bien le véridique. Donc, ils sont là. Donc, un nouveau, donc qui? Le prophète sans sème. Donc, par exemple, le meilleur, c'est le prophète. Et après, Tabakat al-Siddiqin, le meilleur des Siddiqin, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Après, Tabakat al-Shuhada, donc là, c'est tous ceux qui ont été tués à Kuhal, donc, Fisabilillah, et on en connaît, hein, donc, qui ont été tués. On a l'exemple de Hamza, donc c'est Sayyid al-Shuhada, par exemple. Et As-Salihin, donc, qui sont pieux. Donc, ce sont en vérité les meilleures personnes. Et parmi eux, si on dit, on peut dire Omar, Othman, Ali, les trois, ils sont martyrs. Et après vient après eux donc des compagnons qui sont morts normalement, Salihin par exemple. Alors, même, on peut faire même déjà ici un ordre. Le prophète, Abu Bakr, après Othman, Omar, après ceux qui viennent après. Ils auront bien sûr ici une récompense, ceux qui sont comme ça, ceux qui sont pieux, car ils sont en vérité proches des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ici demande quoi ? Innal ladina amanu wa amilus salihat. Ils ont cru et ils ont donc mis en application. Donc, comment tu vas faire pour avoir l'iman avant d'œuvrer ? Alors que la foi, normalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle augmente. Donc, l'œuvre augmente la foi. Et le péché fait diminuer la foi. Qu'est-ce qu'il faut augmenter la foi si ce n'est pas l'œuvre ? L'acte. Donc, tu vas croire. Et comment tu vas croire ? Comme les compagnons l'ont dit, ils ont dit, on apprenait la foi avant d'apprendre le Coran. Comment ça ? C'est qu'en vérité, ils apprenaient peu du Coran. 10 sourates, ou 10 versets plutôt, Afwan. 10 versets. Ils cherchent à savoir ce que cela veut dire, donc ils connaissent son sens, ses règles religieuses, et après ils mettent en pratique. Donc c'est comme ça. Et là après, de quoi ? Donc la foi de monter. Ils n'avaient pas pris le Coran directement, comme c'est ainsi de suite, afin que le Coran monte. Parce que le Coran est venu, afin que la foi monte. Le Coran est venu justement, est descendu pendant plus de 20 ans. C'est pas pour que justement, c'est justement afin de nous éduquer. Donc on voit que c'est petit à petit, il faut le prendre en vérité, petit à petit. Et de cette façon-là, tu vas mieux en vérité comprendre. Mais ce qu'il faut, c'est que là où tu passes sur un verset, il faut que tu recherches ce que ce verset veut dire. C'est comme ça qu'ils étaient. S'ils ne comprennent pas un verset, ils ne passent pas le verset et après ils ne recherchent pas. Ils vont directement poser la question. Ils ne restent pas comme ça, ils sont ignorants de ce qu'il y avait dans ce verset. Donc ils ont cru, et ça ne suffit pas de croire. La foi, elle est dans le cœur, c'est clair, elle commence par le cœur, mais elle se prouve, elle se démontre par, et elle va se traduire par les actes. Si elle ne se traduit pas par les actes, c'est pas suffisant de dire la foi est dans le cœur, et puis en vérité tu n'adores pas alors, tu ne ressens pas celui qui a la foi. Donc il faut que tu faut pas que tu t'arrêtes à dire la foi est dans le cœur, mais elle se traduit par les actes. Tes actes vont prouver si tu as la foi ou pas. Tes actes vont prouver en vérité si tu as la foi ou pas. Et après, bien sûr, ici donc, après Salihin, on sait que même dans Salihin eux-mêmes, il y a des tabakats. Les personnes pieuses, elles ont donc des tabakats. Il y a ceux qui seront plus proches, donc le Muqarrabun et autres. Donc, Jaza'uhum inda Rabbihim, Jannat, An, Tajri min tahti al-Anhar. Ils ont comme récompense donc des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc, ils auront des récompenses auprès de leur Seigneur, inda Rabbihim, des jardins. Donc, ils seront sous lesquels en réalité coulent donc des ruisseaux. Sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc Jannat ici D. Donc bien sûr. Donc des jardins. Donc il y aura beaucoup, en vérité, énormément de fleurs ou quoi que ce soit qui sont différents. Qui sont en vérité donc différents. Et des fois Allah Azzawajal parle aussi de deux paradis. Jannatan min zahab, anyatuhuma wa mafihima, wa jannatan min fidda, anyatuhuma wa mafihima. Donc ici deux paradis. En or. Et leur récipient, et de ce qu'il y a, donc le récipient en or et de ce qu'il y a aussi, et aussi deux paradis en argent, ainsi que leur récipient et de ce qu'il y a encore. Et Waliman Khafa Maqama Rabbi Jannatan, et celui qui a peur en vérité donc, de son Seigneur, hein, donc c'est aussi, il y aura aussi deux paradis. Et si donc ça changera à Kuhal, donc Wamin Dunihima Jannatan, la même chose. Souvent, alors je aussi il mentionne donc deux paradis et des paradis, deux et des. Donc ça c'est justement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la récompense de ceux qui en vérité font donc œuvre. C'est la récompense de ceux qui vont œuvrer comme il le faut, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que le paradis, nul n'œil l'a vu, nul l'oreille n'a entendu, et nul en vérité de cœur ne peut s'imaginer. Le paradis n'est à traverser le cœur de personne d'aucun d'entre nous. Donc en vérité, c'est comme si ça voulait dire en vérité, ne cherche pas à savoir comment aller le paradis parce que tu n'arriveras pas. Parce que Nabi s'est bien dit, non, hein, donc on a khatal ala qalbi bashar. Et n'a pas traversé donc le cœur de qui que ce soit. On ne sait pas comment c'est le paradis. Donc celui qui veut se fatiguer à rechercher comment est le paradis, en s'imaginant, il dit je vais fermer les yeux et je vais rechercher, il peut toujours essayer. Il n'y arrivera pas après, hein, à s'imaginer quoi que c'est, quoi qu'il en soit. Parce que là, ça fit jenna, mimma fit dunya, il a l'esma. Comme le dit donc Ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc il n'y a dans le paradis et dans le delà que les noms, en tant que ressemblance que les noms. Laban, al-asal, al-ma, al-khamar, hein, donc ces quatre récipients, ou bien ces quatre fluides, hein, l'eau, c'est pas le même eau. Le vin, c'est pas le même vin. Ce laban, c'est pas le même laban. Ce miel, c'est pas le même miel. Donc tout en réalité est différent. Bien meilleur et bien différent. Donc ici, donc Jannat al-Adn. Donc l'Adn, c'est justement donc l'Iqama. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que ça va durer. Adn, ce qui veut dire perdurer, éternel, ne va jamais en vérité s'effacer. Ne va jamais en vérité être amené à disparaître. Ça va rester donc éternellement. C'est pour ça qu'on a dit donc Layabruna anha hiwala. Layabruna anha hiwala. Ils ne veulent pas en vérité qu'il y ait du changement en cela, par rapport à cela. Ou bien sûr, donc coulera, donc des ruisseaux, hein, des ruisseaux, et tu choisiras l'endroit, il n'y a pas besoin de creuser. Les ruisseaux, ils coulent de où tu veux, sans que tu creuses. Il n'y a pas de trou, ça coule automatiquement. Et c'est Allah Azzawajal qui décidera que ça ne va pas déborder. Hein, si maintenant, vous voulez faire passer de l'eau maintenant ici comme ça, en tant que ruisseau, ça ne pourrait pas, parce que ça va tomber, ça va déborder. Tandis qu'au paradis, non. Tu choisis l'endroit, hein, de là où tu es, près de toi, près de tes, en dessous de tes jardins, ces eaux-là, hein, et donc ces eaux-là qui vont traverser en vérité ces jardins-là. Et on sait que justement les meilleurs jardins, c'est ceux qui sont que les mieux irrigués. Et tu choisis l'endroit que tu veux. Tu choisis comment ça va être et aussi ça ne sera pas donc sans que ce soit creusé. Et ça ne va pas déborder, ça ne va pas donc en vérité disparaître. Si maintenant on faisait tomber de l'eau comme ça, il n'y aurait pas de rivière qui viendrait parce que c'est plat. Ça va, hein, donc ça va s'étaler. Ça va s'étaler sur la surface. Mais là non, ça ne sera pas pareil. Et après, donc, il dit bien Khalidin Fiha Abada. Et ils y demeureront donc éternellement. Et ça, c'est parmi bien sûr, les plus grandes ni'ama. C'est que ça ne s'arrête plus. Ça, c'est parmi les plus grandes ni'ama. C'est qu'en réalité, il y a la continuité. Il y a la ni'ama du Jannah déjà. Si on y restait que 100 ans, il serait déjà très content. Alors que dire d'y demeurer pas un éternellement. N'importe quel moment, n'importe ici, les bons moments que tu as passé dans ta vie ici, quand tu es parti, par chez toi au bled ou quoi, que tu as bien aimé ton mois, tu t'en souviens bien. Alors imagine le paradis et qui ne s'arrête pas. Donc il n'y a pas de comparaison, mais comment les gens ils seront, comment les gens seront après hein, par rapport à cela. Et bien sûr en plus ils auront parmi les meilleurs, la plus grande ni'ama c'est d'avoir l'agrément d'Allah ce matin-là. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran que son agrément est meilleur. L'agrément c'est le meilleur, l'akbar. Il dit bien que c'est le plus grand. L'agrément c'est souvent ce qu'est le plus grand. Parce qu'il aura jamais, il va jamais se mettre en colère contre qui que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il est au paradis, tout le monde donc, va acquérir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, comment on appelle les compagnons du prophète? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on les mentionne? On dit bien, radiallahu anhum. Radiallahu anhum. On mentionne ce qui est le plus grand. S'il y avait quelque chose de mieux que ça, on leur aurait donné autre nom. On a dit radiallahu anhum. Car l'agrément d'Allah, c'est ce qu'est le meilleur. C'est pour ça qu'on dit, pour les meilleures des personnes, radiallahu anhum. Si c'était ici avec autre chose que cela, on l'aurait dit. On l'aurait dit. Donc vous voyez. Et à ce moment-là, donc ils seront. Donc, c'est pour qui donc bien sûr tout cela, c'est bien en vérité pour ceux qui craignent son Seigneur. Zalika liman khashiya rabba. Voici donc en vérité la récompense pour celui qui craint son Seigneur. Donc c'est le khashiya, c'est le khouf, ba'al al-ilm, ou ba'al ta'dim. Ta'dim, yani. En vérité, c'est le fait de craindre Allah Azza wa Jal, ou ta'dim. Et c'est le fait aussi d'honorer et de grandifier subhanahu wa ta'ala. Donc tu as en réalité la connaissance qu'Allah Azza wa Jal est grand. Tu as en réalité la connaissance hein, qu'Allah Azza wa Jal est grand. Et Allah Azza wa Jal a bien mentionné que les seuls qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafur. Et on ne va pas faire comme certains al-bida'a qui disent Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Comment Allah il répond de ses serviteurs premièrement et en plus les savants. Donc il change pour dire que Allah, donc alors c'est bien, Inna ma yakhsha Allah min ibadihi, donc al-ulama, c'est-à-dire qu'yakhsha Allah. Ils disent innama yakhsha Allah, ils disent innama yakhsha Allah. Ils ont mis Allah sujet, c'est Allah qui a peur de ses serviteurs, et il a peur des savants, ceux qui veulent se sauver de la science. Vous avez lu les, ceux qui sont malades, ils n'ont pas peur de trafiquer le Coran parce qu'ils sont malades. Ils sont en vérité, donc ces gens-là sont malades. C'est pour ça que certains parmi les malades se sont même permis de dire si seulement ce verset n'était pas venu. Si seulement ce verset n'était pas venu. Hein, comme « Wa kalam Allah Moussa taklima » Pas par rapport à ce verset, parce que ce verset, ils ont essayé de le changer. Donc ils ont dit « Wa kalam Allah » On lui dit « Wa kalam Allah » Vous voyez, donc on va dire que c'est Moussa qui parle à Allah, c'est pas Allah qui parle à Moussa. Et qu'est-ce que tu fais avec l'autre verset qui dit « Wa lama ja'a Moussa li miqatina wa kalamahu rabbu » Et là, on ne peut pas changer. Tu ne peux pas en vérité, il reste sujet. Tu n'arriveras pas dans l'angara à trafiquer, comme tu as réussi à trafiquer avec l'autre verset. Celui-ci ne peut pas être changé. Donc, ils se sont retrouvés en vérité coincés. Et ils ont dit si ce verset seulement n'était pas descendu. Si réellement ce verset n'était pas justement donc descendu. Donc, ici, c'est en vérité donc, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la connaissance de sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Donc, voici donc, en réalité la récompense de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui obéissent aux envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils obéissent en justement en voyant ce qu'il y a dans le Coran, comme on voit dans ce verset. En vérité, en voyant ce qu'il y a dans le Coran. Et on l'a vu aussi, donc la situation de ceux qui ont mécru dans cette sourate qui est Arjima. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc on a terminé, là c'est pour du bon, c'est pas comme hier, dans le Moussa'an. Donc, Inch'Allah, il y aura peut-être des autres occasions, si c'est moi ou bien. Moi, j'espère bien, mais pourquoi pas aussi d'autres frères. Donc, on va encourager un peu les frères de venir me visiter plus souvent. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah alladhi la tadiru wa da'iru.